France Inter. À portée de voix. À la maison, en voiture ou sur votre téléphone. France Inter arrive sur les assistants vocaux. Les dossiers les plus passionnants d'affaires sensibles. Oli et ses histoires pour les enfants. Vos émissions en direct. Le meilleur de France Inter est désormais à portée de voix. Toutes les infos sur franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Pascal Deux. La fiction d'aujourd'hui raconte l'histoire de Christian Didier, l'homme qui tua René Bousquet. Alors, crime civique, acte d'un héros ou d'un insensé? En assassinant Bousquet, le chef de la police sous Vichy, responsable entre autres de la rafle des Veldives en juillet 42, au cours de laquelle des milliers de juifs furent arrêtés et déportés, Christian Didier devint cet assassin justicier qui voulait entrer dans l'histoire en tuant le monstre. Juste après son crime, le 8 juin 93, il donne une conférence de presse improvisée dans une modeste chambre d'hôtel. Serge Chalandon, journaliste présent lors de ses aveux étranges, témoigne dans le journal Libération. Didier parle, fébrile, le visage épuisé de tics, la pensée en désordre, il dit avoir écrasé le dragon. Mais la police arrive et interrompt la confession. Christian Didier est arrêté sans aucune difficulté. À la fin de sa vie, Didier expliquait « J'avais pensé que ce serait bien de flinguer quelqu'un pour une cause juste, que ce geste me libérerait. » Alors, qui était Christian Didier ? Un illuminé, un mystique exalté, un homme à la personnalité trouble ? Après la fiction, nous recevrons Henri Raksimov, romancier et essayiste, auteur de l'enquête intitulée « L'homme qui tua René Bousquet » chez Stock. Avec lui, nous essaierons de comprendre les raisons de ce meurtre et la personnalité de l'assassin, Christian Didier. Fabrice Drouen, Affaires sensibles, sur France Inter. J'ai connu Barbie en 87, je l'ai raté, j'ai toujours gardé une haine profonde pour les nazis. J'ai mis 6 mois à me décider, c'est dur, je ne suis pas un assassin, c'est dur de tuer quelqu'un, mais j'y suis arrivé. À un moment donné, j'ai eu comme une révélation, une prise de conscience, et c'est ce qui m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout. Puisque la presse n'écoute pas et que c'est de la plus grande importance, tu vas faire le nécessaire, tu vas faire un geste qui soit honorable. Parce qu'aligner un monstre comme ça, ça ne peut être qu'honorable, une victoire du bien sur le mal. Je demande à l'Éternel qu'il pardonne à celui que j'ai tué ce matin. Qu'il me pardonne à moi aussi mon geste. Et je m'en remets à la justice. Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet, de Renaud Meyer. Réalisation, Pascal Deux. 8 juin 1993. Christian Didier, 49 ans, vient d'assassiner René Bousquet, ancien secrétaire général de la police de Vichy, de 1942 à 1943, principal organisateur de la rafle du Veldiv et responsable de la déportation de près de 60 000 juifs. Dans les minutes qui suivent son acte, Christian Didier retourne à son hôtel des Lilas, en Seine-Saint-Denis, et convoque les médias devant lesquels il justifie son crime. Cette conférence de presse passe en boucle sur les chaînes du monde entier, et conduit à l'arrestation immédiate de l'assassin de René Bousquet, qui se livre sans résistance. Arnaud Montebourg, jeune avocat brillant, est commis d'office pour prendre sa défense. Laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin d'avocat. C'est la loi, cher monsieur. Et puis, dans un cas comme le vôtre, on a besoin d'un bon avocat, vous ne croyez pas? Pourquoi faire? Faire de votre geste autre chose qu'un assassinat ordinaire. Mais je l'assume, mon geste. Je le revendique. Si c'était à refaire, je le referais, et tout de suite. Voilà pourquoi vous allez avoir besoin d'un avocat subtil et diplomate. Devant une cour d'assises, il va falloir commencer par regretter votre geste imbécile. Si je vous défends, ce sont les premiers mots que je veux vous entendre adresser au président et aux jurés. C'est pas un avocat commis d'office qui va m'apprendre la musique. Pas besoin d'un débutant pour m'envoyer au casse-pipe. Vous avez quel âge ? J'ai été commis d'office par le bâtonnier en ma qualité de premier secrétaire de la conférence du stage. Ah oui. Et vous avez déjà défendu des criminels ? Oui, j'ai défendu l'évêque Cochon. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Brûler Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, vous foutez de moi, là ? C'était en quelle année, votre truc ? 1989. Concours d'éloquence pour jeunes avocats. C'est pas un concours ici, c'est pour de vrai. Le premier secrétaire s'attache généralement à être brillant. C'est la raison pour laquelle on fait appel à lui pour les affaires criminelles délicates. Vous avez tué un homme avec préméditation. C'est un assassinat. Vous risquez la perpétuité, monsieur Didier. Vous avez conscience de cela ? Ce salaud de Bousquet, il l'avait mérité. Paix à son âme. Mais quand même, l'ordure. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment vous est venue cette idée de tuer René Bousquet ? Ben, en regardant la télé. Il y avait PPDA qui présentait le journal. Il a parlé de l'affaire Bousquet, du procès qui traînait. J'ai toujours eu une haine des nazis et des collabos. J'ai essayé de tuer Barbie en 87, mais j'ai pas réussi. Klaus Barbie ? Ouais. Il était enfermé à la prison de Lyon. Il était malade de la prostate, cancer. Je me suis fait passer pour un faux urologue. Mais on m'a repéré au portique, ils ont trouvé mon flingue, j'ai pris 5 mois. Vous vouliez tuer Klaus Barbie ? Non, juste lui mettre une balle dans chaque genou et lui donner le bonjour de Jean Moulin. Et cette expérience ratée ne vous a pas fait réfléchir ? Au contraire. Je me suis aperçu que ma cellule, c'était celle de Jean Moulin quand Barbie le torturait. C'est pas dingue, cette histoire ? J'y ai repensé quand j'ai vu Bousquet à la télé. Je me suis dit, celui-là, il fallait pas le rater. Comment avez-vous trouvé l'adresse de René Bousquet ? Vous aviez des complices ? Je me suis fait passer pour un journaliste indépendant qui voulait faire une interview de Bousquet. Je téléphone aux Parisiens, mais ils n'avaient pas son adresse, j'appelle Libération. Et là, une fille me dit, attendez, je crois que je l'ai. Bingo. Et vous êtes allé chez lui pour le supprimer ? Je me suis d'abord pointé pour voir s'il y avait des sous-marins, des gardes du corps. Comment était foutu l'immeuble ? Vous avez prémédité ce crime froidement sans jamais vous poser de questions ? Vous voulez rigoler ? C'était un calvaire. Mais j'avais pas le choix, j'avais une trajectoire à accomplir. Vous comprenez la différence entre un crime commis dans l'emportement et un assassinat minutieusement prémédité ? Les peines ne sont pas les mêmes, monsieur Didier. Vous vouliez laisser salopard en liberté ? Un procès était en cours. Ce procès n'aurait jamais eu lieu, vous le savez très bien. Ce n'était pas à vous d'en juger. La mort de René Bousquet est une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec vous. Mais c'était à la société de le juger pour ses crimes. La justice n'a pas fait son travail. Si vous commencez comme ça, on est mal parti. Bon. Vous êtes donc allé au domicile de René Bousquet. Ensuite ? J'ai sonné. Je me suis fait passer pour un employé du ministère de l'Intérieur avec des papiers à faire signer pour son procès. Il finit par m'ouvrir. J'étais hyper concentré, je rentre chez lui, je lui donne les papiers, et là, je sors le flingue, il m'a crié salaud, je lui ai tiré une balle, alors il vient vers moi, et il essaie de m'arracher le flingue. Pourquoi n'avez-vous pas tout de suite tiré plusieurs coups de revolver ? Je devais le recharger à chaque fois. Vous auriez pu renoncer en voyant un homme blessé s'avancer vers vous ? C'est qu'il avait la peau dure. Avec la troisième balle, je lui ai touché la base du cœur. Il était encore debout ? Il commençait à chanceler, alors je lui ai collé le flingue sur la tempe, et boum ! Là, j'ai enfin respiré. Vous vous êtes senti libéré ? 6 mois que j'étais sur des charbons ardents. Pire qu'un accouchement. Il va falloir être davantage repentant devant une cour d'assises. À moins de plaider la folie. La question qui se pose à ce moment de la procédure judiciaire est de savoir si Christian Didier était démon ou saint d'esprit lorsqu'il a assassiné René Bousquet. En effet, l'article 122 du Code pénal stipule alors que si la personne était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement, elle n'est pas pénalement responsable. Il précise cependant que la personne atteinte d'un trouble psychique ayant simplement altéré son discernement demeure punissable. Les antécédents de Christian Didier, appuyés par les expertises psychiatriques, permettraient ainsi à Arnaud Montebourg de plaider la démence de son client au moment des faits et de demander son acquittement. Mais je ne suis pas fou ! Vous ne pouvez pas vous soustraire aux expertises psychiatriques, monsieur Didier. Vous le dites vous-même, la mort de Bousquet est une bonne chose, un soulagement pour tout le monde. Vous aussi, vous êtes fou à ce train-là. Je n'ai tué personne. C'est facile de compter sur le courage des autres pour faire le sale boulot. Vous risquez la perpétuité, monsieur Didier. Je veux pas finir dans un asile. J'entends bien. Mais si les experts établissent votre absence de discernement au moment des faits, nous pouvons obtenir une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. C'est Bousquet qui était dingue, pas moi. Vous savez attirer l'attention de manière pour le moins originale, non ? Les jardins de l'Élysée, la cérémonie des Molières, les Césars, je ne sais combien de plateaux télé, la fête de l'UMA. Vous arrachez le micro de Georges Marchais. Vous n'y allez pas de main morte. Votre besoin de reconnaissance est plutôt envahissant, vous ne trouvez pas ? Personne ne voulait éditer mes livres. Il fallait bien entrer dans le jeu médiatique pour me faire entendre. C'est pas vraiment ce que l'on peut appeler du discernement. Je le connais par cœur, le discours des psychiatres. Vous avez fait des séjours en hôpital ? Oui. J'entends des voix, ça m'arrive. On pourrait considérer que l'assassinat de René Bousquet constitue le point culminant de votre besoin de reconnaissance. Un désir tellement grandissant, inassouvi, qu'il en devient délirant, guidé par des voix intérieures, abolissant chez vous tout jugement. Je suis pas fou. Exalté, mais pas fou. Vous voulez que je vous repasse des extraits de votre conférence de presse après le meurtre ? Vous parlez de votre mission sur Terre, de Raspoutine. Vous dites avoir écrasé le dragon. Cela fait longtemps que vous êtes tourmenté, monsieur Didier. Cela fait longtemps que vous êtes psychiatre, maître Montebourg. J'essaie simplement de comprendre cette affaire, donc les motivations profondes de mon client. Ce tourment, je vous écoute. J'avais 7 ans. Il m'est arrivé un truc. J'ai développé un instinct de mort aigu en moi à cause de cette chose. J'avais des démons intérieurs toute mon enfance, toute mon adolescence. Et cette chose, c'était... Je vous dirai pas. Vous en avez parlé à quelqu'un ? À votre famille ? Ma famille. Ma famille, pour eux, j'étais pas comme tout le monde. Un mouton à 5 pattes. Le vilain petit canard qui allait attirer le regard des gens. Ma mère, toujours à se demander ce qu'allaient penser les gens. Si au moins j'avais eu un peu d'amour. Mais rien, jamais. Vous pensiez souvent à cette chose qui vous était arrivée ? Elle tournoyait autour de moi comme une chauve-souris. Vous n'aviez pas d'amis à qui en parler ? Non, pas vraiment. J'avais 3 trucs pour me tirer de là. Et la lecture. Avec ça, je rechargeais les batteries, je repoussais mes démons. Ensuite, j'avais le sexe. Je suis passionné par le sexe. Les femmes. J'en ai eu au moins 150 dans mon lit. Et puis l'action. Vous connaissez la phrase de Malraux ? Non. L'action. Domination des forces obscures de l'individu. Pour vous, tuer René Bousquet, c'était du domaine de l'action ? J'avais cette phrase de Malraux dans la tête en lui balançant les pruneaux à ce salaud. Ça me quittait pas. 8 mois plus tard, pourtant, les experts psychiatriques sont formels. Christian Didier n'était pas en état de démence, au sens de l'article 64 du Code pénal. Ce 8 juin 93, il était conscient d'assassiner René Bousquet. Ce matin, à la prison de la Santé, Didier a accueilli avec satisfaction cette expertise. Il veut être jugé. Christian Didier ne veut pas aller à l'hôpital psychiatrique. La preuve, c'est qu'il n'est pas fou. Ça aurait été quelqu'un qui n'est pas fou dans un hôpital pour des fous. Christian Didier a conscience qu'il a tué un homme, mais aussi un symbole. D'une France qui refuse de regarder son histoire et ses propres crimes en face, qui a occulté pendant 50 ans ses crimes. Et en même temps, il en est conscient et il sait ce que recouvre son geste et les conséquences que, intérieurement, lui y ressent. Le procès de Christian Didier pour l'assassinat de René Bousquet aura bien lieu. Il est prévu pour le courant de l'année 1995. Les experts psychiatres qualifient Christian Didier d'individu histrionique et suicidaire, désirant devenir un justicier admiré de tous. Malgré cela, Arnaud Montebourg compte appuyer sa défense sur les heures sombres de la victime et mener en arrière-plan le procès de René Bousquet, qui, par le geste de son client, n'aura jamais lieu. Un procès initié en 1989 par l'Association des fils et filles de déportés juifs de France qui ont déposé une plainte contre Bousquet pour crime contre l'humanité. L'ancien secrétaire général de la police de Vichy a été traduit en 1949 devant la Haute Cour, qui l'a condamné à la peine minimale de 5 ans de dégradation nationale, peine immédiatement levée pour son soutien actif à la résistance. Mais en ce début des années 90, le temps n'est plus à l'indulgence. La traque des criminels nazis et des anciens collaborateurs trouve un véritable écho à travers le monde. Votre erreur n'est pas d'avoir tué René Bousquet. C'est de leur avoir volé le procès du siècle. C'est ça qu'ils vont vous reprocher. Les jurés, vous savez. Je ne vous parle pas des jurés, mais des enfants de déportés. Les victimes de René Bousquet, tous ceux qui rêvaient de le voir à votre place sur le banc des accusés. Ceux-là vont avoir les poches pleines de reproches et d'animosité à votre égard. Alors que ce sont eux qu'il nous fallait pour témoigner. Eux seuls pouvaient légitimer votre acte. Je leur ai rendu service, non ? Vous leur avez retiré la possibilité de juger René Bousquet dignement, de manière démocratique, humaine. L'inverse de ce qu'il a fait avec les enfants juifs. Vos alliés sont devenus vos ennemis. Je risque 20 ans de tôle pour l'assassinat de ce salaud. Vous croyez pas que je mérite un peu de reconnaissance ? C'est justement ce que l'on va pointer du doigt. Votre soif de reconnaissance. Quelle légitimité aviez-vous pour tuer René Bousquet ? Je comprendrais si vos parents avaient été emportés par la rafle du Veldiv. Mais vous n'êtes pas juif, monsieur Didier. Bousquet n'appartient pas aux enfants de déportés. Mais l'état de droit s'impose à tous. L'état de droit n'a pas fait son boulot. Il fallait bien que la justice passe sur ce monstre. Bon. Je ne vois qu'une ligne de défense possible. Considérez que votre acte était un crime civique et demandez votre acquittement au nom de l'histoire. C'est ce que je me tue à vous dire. Il ne suffit pas de le dire. Il faut le démontrer. Apporter des preuves, des témoignages. Ça se construit, une défense. Il y a une chose que je ne comprends pas. C'est cette obsession chez vous. Barbie, Touvier, Bousquet. Qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous, en dehors d'être une représentation du mal ? La guerre. Mais vous n'avez pas connu la guerre. Vous êtes né en 44. Vous n'avez rien vu de tout ça, l'occupation, les rafles. Dans ma ville à Saint-Dié, ils ont arrêté et déporté 648 juifs et résistants. Ils ont foutu le feu aux maisons. Ma rue, on l'appelait la rue des fusillés. Les Boches ont exécuté les voisins devant tout le monde. J'ai grandi avec ça, dans ce champ de ruines et de traumatismes, avec ces gens qui ne sont jamais revenus des camps. L'idée de ces monstres qui ont massacré le village. Les enfants juifs qu'on a arrachés à Saint-Dié. La blessure collective, maître. Ça aussi, ça hante. Tous les habitants de Saint-Dié-des-Vosges connaissent cette histoire ? S'ils la connaissent. Le maire, vous l'avez déjà rencontré ? Ben oui, c'est petit Saint-Dié. Il mobiliserait les habitants pour créer un collectif ? Pourquoi un collectif ? Des gens qui ont la même histoire que vous, la même mémoire, la même blessure, qui peuvent vous comprendre, vous soutenir, venir plaider votre cause, demander l'indulgence des jurés. On peut essayer, mais je sais pas s'il y aura des juifs. Les survivants de la Shoah, je m'en charge. Vous pensez qu'ils vont accepter de venir à la barre ? Sans eux, ma ligne de défense va devenir compliquée. Arnaud Montebourg est rejoint par son ancien mentor, maître Thierry Lévy, un pénaliste de renom chez qui il a fait ses armes. La défense prend un nouveau tour, plus politique. L'affaire Bousquet se mêle désormais au futur procès Christian Didier. Après la guerre, René Bousquet a usé de sa position dans la presse pour soutenir les candidatures électorales de François Mitterrand. Le chef de l'État est alors mis en cause pour ses amitiés et violemment attaqué. On lui reproche d'avoir tout mis en œuvre pour retarder le procès de René Bousquet. Une photo ressort, le montrant en compagnie de l'ancien secrétaire de la police de Vichy au cours d'un déjeuner amical à Lacé en 1974. Le passé semble remonter à la surface pour servir la défense de Christian Didier. Mais le parquet refuse de joindre le dossier judiciaire de René Bousquet au débat du procès de son assassin. C'est dégueulasse. J'ai tué Bousquet, j'ai pas tué Tartempion. Drancy, Pithiviers, c'est lui quand même. Je suis désolé. Mais la chambre d'accusation n'a pas voulu joindre le dossier de René Bousquet au débat. Il y a vraiment pas moyen. C'est l'arrêt de renvoi. Ils donnent une raison ou quoi? Ils estiment que vous n'avez pas eu connaissance de ce dossier avant de passer à l'acte et qu'il convient donc d'apprécier vos motivations à la lumière de la perception intime que vous vous faites de René Bousquet. Je peux voir. Mais charabia. Ils savent très bien que j'ai tué Bousquet parce que c'était un monstre, qu'ils voulaient pas juger parce qu'il était protégé. Ils veulent tout savoir de l'assassin et rien de la victime. Bousquet, c'est Bousquet. On va se passer de leur permission. Comment ça? Rien ne nous empêche de rappeler le passé de René Bousquet lors des audiences. Nous avons l'actualité pour nous. La conjoncture politico-médiatique nous est favorable. La conjoncture politico-médiatique? C'est pas la conjoncture politico-médiatique qui va me sortir de là. Tenez. Ça vous permettra de patienter et de comprendre pourquoi les vents nous sont favorables. Une jeunesse française... François Mitterrand, 1934-1947, Pierre Péan. C'est quoi ce bouquin? Une bombe. Vous n'en avez pas entendu parler? Mais c'est Mitterrand sur la photo? Mitterrand et Pétain, c'est un montage? Tout ce qu'il y a de plus authentique. Il est question de la jeunesse du président, les croix de feu, Vichy, son passage de la collaboration à la résistance, erreur de jeunesse, enquête à charge, détails de l'histoire... Allez savoir. J'ai pas besoin de ce genre de littérature. Parlez-moi de poésie, de Malraux, de Kerouac. Vous avez tort. Je vous assure que ce livre vous fera passer le temps d'ici les audiences. Et il va nous aider à démontrer que ce procès est d'abord un procès politique. Il y a Bousquet dans ce bouquin? Il y figure, en bonne place avec les autres. Les interventions du président pour retarder le procès de René Bousquet trouvent leur source dans une amitié et des soutiens réciproques vieux de 50 ans. Ah ouais? Je vais peut-être le lire, alors. Ce procès doit être celui de la France, de la collaboration. Ils n'ont pas voulu joindre le dossier de René Bousquet, mais la pression de l'opinion est trop forte. J'ai l'autorisation d'appeler à la barre des politiques, des écrivains, des déportés. On va en parler de René Bousquet à ce procès, je vous le garantis. 8 novembre 1995. Le procès de Christian Didier débute à la cour d'assises de Paris. Il va durer 6 jours. Yves Jacob préside la cour... Philippe Bilger en est l'avocat général. Maître Chanson représente la famille de René Bousquet. La mère de Christian Didier est là, attentive, bienveillante, d'une humanité sans faille. Elle condamne le geste de son fils, mais espère secrètement une sanction clémente. Tout comme le comité de soutien de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, dont le maire, mandaté par son conseil municipal, réclame l'indulgence des jurés. L'audience va reprendre. Déjà? Ça va aller? Vous en avez de bonnes. Ils sont où, vos fameux témoins, maître? Ces revenants de la Shoah que vous m'avez promis? À ce train-là, Bousquet va passer pour un brave type assassiné par un illuminé. Elle est où, votre conjoncture politico-médiatique favorable? Parce que l'avocat général, il a pas l'air de rigoler, lui. La prochaine audition est pour nous. Joseph Weissmann. C'est qui, ce Weissmann? Un rescapé de la rafle du Veldiv. Et il va pas nous faire faux bon? Il est arrivé du Mans ce matin. J'espère qu'il va leur dire que Bousquet était une ordure. Mieux que ça. Joseph Weissmann m'a confié au téléphone son admiration personnelle pour votre geste. Vous voulez dire quand j'ai zigouillé Bousquet? Oui, il m'a parlé de son bonheur à l'annonce de la mort de René Bousquet. Enfin, un type qui me comprend. Weissmann n'a qu'un regret. Ne pas avoir tué Bousquet lui-même. Il estime que c'était à lui de le faire, pas à vous. Il va dire ça à la cour? Probablement. Ça, c'est pas mal, c'est du témoin, ça. Joseph Weissmann m'a raconté qu'après une soirée arrosée avec un ami, ils avaient projeté d'aller assassiner René Bousquet. Évidemment, ils ont renoncé. Leur désir d'assassinat était purement moral. 15 jours plus tard, Weissmann entend à la radio que René Bousquet a été assassiné. Il s'est dit que son ami était passé à l'acte sans lui. Ensuite, il a su que c'était vous qui aviez commis le crime. Je les ai doublés, alors. Weissmann a pensé que la justice était enfin rendue et que celui qui avait fait ça devait être béni. Il faut qu'ils disent ça au président, à l'avocat général, au juré. Il faut qu'on sache que j'ai fait à Bousquet ce que tout le monde rêvait d'accomplir. Selon Weissmann... Il faut vous acquitter et vous décorer. On sera en 44, j'aurai droit à la Légion d'honneur. Je doute que ce soit le réquisitoire de l'avocat général. Si Weissmann avait liquidé Bousquet avant moi, ce serait plus facile pour vous, hein, maître? Défendre un gosse de la rafle du Veldiv qui s'est vengé. C'est exactement ce que m'a dit Joseph Weissmann. On devrait bien s'entendre, lui et moi. Vous en avez d'autres comme lui ? Annette et Michel Muller, des frères et sœurs. Je compte appeler 40 témoins à la barre. Et ils vont faire le poids face au fils de Bousquet ? J'ai pas confiance en celui-là. Il reste sur son banc, silencieux. Il observe. Ça me dit rien qui vaille. Le 13 novembre 1995, au sixième et dernier jour des audiences, Guy Bousquet, le fils de René Bousquet, s'exprime à la barre. Il lance alors « C'est une très mauvaise chose de vouloir juger une période à travers un homme ». Puis il parle de son père, qui a dû lui aussi traverser une époque difficile, comme bon nombre de Français. Son père qui, à l'en croire, a fait descendre des milliers de Juifs des trains de la mort. Le portrait de René Bousquet apparaît soudain comme celui d'un homme en demi-teinte, entre collaboration vichiste et acte de résistance, à l'image peut-être de celui du président de la République, dressé par Pierre Péan dans son ouvrage. J'aime pas les moments comme ça, maître. Y a plus rien à faire. Plus qu'à attendre que ça tombe. Il faut avoir confiance. Vous l'avez entendu, l'avocat général ? Comment il a balayé votre thèse du meurtre politique ? Même votre Weissmann, il n'en a fait qu'une bouchée. L'état de droit doit dominer toute forme de vengeance. Christian Didier s'estime juge de tout contre l'état de droit. Il nous bassine avec son état de droit. Il n'empêche que vous risquez 25 ans et que Philippe Bilger n'a requis que 10 à 12 ans. Il veut que l'on tienne compte de votre personnalité particulière et des motivations honorables de votre geste. Ça n'est pas rien. Je suis pas un exalté qui a voulu donner un sens à sa vie en donnant la mort et qui rêve de mourir dans l'instant où il accomplit le bien. Je supporte pas d'entendre ça. Il a parlé de votre désir de médiatisation au service d'une bonne cause. Une bonne cause. Ça n'est pas faire de vous un vulgaire assassin. Il veut quand même que les jurés sanctionnent un assassinat. Pour lui, ça reste un assassinat. Et puis l'autre, là, l'avocat du fils, qui balance que je reste malgré tout un individu dangereux. C'est votre faute, tout ça. Pardon ? Ma faute ? C'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Mais il fallait accorder vos violons avec votre acolyte, maître Lévy. Un coup, c'est un crime politique, un coup, c'est un crime ordinaire. Il fallait rester tous les deux sur un crime politique, bon sang. On ne maîtrise pas tout. Un procès, c'est comme un abricot sur un arbre. Parfois, il n'est pas encore mûr, il laisse un goût amer dans la bouche, c'est ainsi. On ne peut rien contre la nature. Moi, je vais être mûr pour 10 ans de tôle. Entre nous, vous regrettez vraiment votre crime, monsieur Didier ? Je sais pas. Mais l'horreur du crime m'a vacciné pour toujours. Et je suis pas dangereux, vous entendez ? C'est Bousquet qui était dangereux. C'était lui le dragon, le mal. C'était lui. Au dernier moment, les avocats de la défense ont tenté d'arracher aux jurés l'acquittement de Christian Didier en rappelant longuement le passé et le rôle de René Bousquet à la tête de la police de Vichy. Bien sûr, ce procès était celui de l'assassin, Christian Didier, mais quelle qu'en soit l'issue, force est de constater que l'ombre de la victime n'a cessé de planer sur les audiences et d'une bien étrange manière, faisant apparaître en filigrane un autre procès qui n'aura jamais lieu, celui de René Bousquet. Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet, de Renaud Meyer. Avec Christophe Raymond, Pierre Rochefort, Marie Matteron. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Bastien Varigaud, Philippe Mercher. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux, Léo Durin. Réalisation, Pascal Deux. Of faces, empty eyes, I see nothing new. Seasoned schemes of slimy curves offer up their flu. Am I beast or am I human? Am I just like you? power seething, reeling, reeling, reaching out for you. Am I demon? I need to know. Of a million hells rage inside these veins, pounding out deserved pain to anyone in need. And am I beast or am I human? Am I just like you? Power seething, really reeling, reaching out for you. Am I demon? Need to know. Am I demon? You need to know. Every limb torn asunder base. Everything I need is me. Everything I am. Am I beast or am I human? Am I just like you? The power seething, really reeling, reaching out for you. Am I demon? Affaire sensible, la fiction. Un homme peut-il se faire justicier de l'histoire? Cette question, Christian Didier se l'est posée pendant 6 ans et 9 mois en prison. Le 8 juin 93, il assassine René Bousquet, ancien secrétaire général de la police de Vichy. Le haut fonctionnaire est alors inculpé pour crime contre l'humanité, mais toujours pas jugé. Après l'assassinat, Christian Didier dira à la presse avoir agi pour le bien et contre le mal. Aujourd'hui, je pense que c'est une monumentale bourde, une monumentale erreur, et qu'il y a une justice qui est là pour ça, et qu'on n'a pas à se substituer à la justice des hommes, ni à la justice de Dieu. J'étais dans une phase délirante, je croyais que ces gestes-là étaient ma mission sur Terre, et il y avait une partie de mysticisme délirant chez moi qui m'ont conduit à ce geste. Peut-être que le procès Bousquet aurait eu lieu aussi, et que j'avais amputé la France d'un procès important, mais ça, je ne l'ai réalisé qu'après. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet, notre invité Henri Raksimov, romancier essayiste, auteur de l'enquête « L'homme qui tua René Bousquet » chez Stock. Henri Raksimov, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs romans et récits ayant souvent trait à la mémoire juive, et puis auteur d'essais littéraires sur Flaubert, Proust, entre autres. Hein. Votre dernier roman s'appelle « Elle chantait Ramona », il est paru aux éditions Gallimard en 2017, mais aujourd'hui, nous allons surtout parler de votre enquête sur Christian Didier, intitulée « L'homme qui tua René Bousquet », livre paru chez Stock en 2001. On a entendu ensemble la voix et les propos de Christian Didier. On a envie de lui dire, bah oui, vous nous avez privé d'un procès pour l'histoire. Si on doit lui reprocher quelque chose, c'est essentiellement ça. J'imagine que vous partagez... Je partage complètement cette appréciation, d'abord de Didier lui-même, à ce moment-là. Enfin, peut-on croire qu'il est tout à fait raisonnable, qu'il a recouvré la raison, si tant est qu'il l'ait vraiment eu un jour. En fait, il ne fait que réciter ce qu'on lui a dit, ce que les avocats, ce que le procureur général ont dit lors du procès. Donc 7 ans plus tôt, hein, il avait été condamné à 10 ans, puis relâché pour bonne conduite au bout de 7 ans. Il retourne à Saint-Dié chez sa mère et il est complètement abattu parce que son acte n'a servi à rien alors qu'il prétendait être le justicier, faire justice au sort que René Bousquet avait réservé aux Juifs, notamment lors de la rafle du Veldiv en le 16 et 17 juillet 42. Là, en effet, il paraît très raisonnable. Il dit qu'il a privé la France et les victimes en particulier d'un vrai procès qui était sur le point d'aboutir, croit-on. Alors voilà, là il y a une vraie ambiguïté historico-politique et médiatique. On suppose que le procès était instruit et que le cas René Bousquet était sur le point d'être vraiment jugé en assises pour crime contre l'humanité. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser autant à cet homme-là, à ce fait-là, au point d'en écrire un livre ? C'était quoi la motivation ? Qu'est-ce qui vous a fait écrire et non pas courir ? Oui, j'ai couru et j'ai écrit. La première chose, c'est la fragilité psychologique de Christian Didier, qui m'intéresse à titre d'écrivain et à titre humain également. C'est le fait que Christian Didier, entre autres choses, voulait et a toujours voulu être écrivain. Il a écrit un certain nombre de manuscrits qui ont toujours été refusés par les maisons d'édition auxquelles il les envoyait. Il a essayé de se faire connaître par des moyens... tout à fait délirant, en intervenant dans des émissions de télévision chez Michel Drucker, etc., chez Patrick Sabatier et autres, avec une banderole « Lisez mon livre, achetez mon livre, faites connaître mon livre, Christian Didier », etc. Il avait commis plusieurs actes non seulement délictueux, mais un peu enfin l'œuvre d'un dérangé. Par exemple, il a voulu tuer Barbie dans sa cellule à Lyon avec un revolver. Il avait constitué un faux certificat médical lui donnant accès à titre de médecin urologue pour examiner Barbie. Et puis évidemment, le portique a détecté son arme. Il a été arrêté. Il a fait une petite conférence de presse. C'était dans les années 80. Il a escaladé les grilles de l'Élysée. On l'a pris. Alors, il a réussi son coup. La gendarmerie l'a intercepté dans les jardins de l'Élysée. Donc, la police connaissait très bien cet homme qui avait séjourné plusieurs fois dans des hôpitaux psychiatriques, depuis son enfance d'ailleurs. Donc on sent bien que cet homme-là se sent à l'étroit dans son identité toute simple de Christian Didier, monsieur tout le monde, qu'il veut en sortir aussi, qu'il se prend pour le sauveur, le justicier de l'histoire. Est-ce qu'il y a cette volonté de sortir de ce qu'on appelle tout bêtement l'anonymat aussi ? Oui, absolument. C'est bien plus que de sortir de l'identité de Monsieur Tout-le-Monde. C'est que c'est un individu, enfin c'est mon enquête sur lui qui me l'a appris, qui a été plutôt maltraité par son père, qui voulait que son fils devienne un intellectuel ou qu'il fasse une carrière. Or, Didier est d'abord, comme il le dit lui-même, une tête de mule. Il refuse toute autorité, paternelle, mais aussi scolaire. Il se fait virer de tous les établissements. Il passe en hôpital psychiatrique à un certain nombre de séjours et il veut devenir quelqu'un. Enfin, il sent une force en lui. Il se sent connecté à des forces mystiques lorsqu'il va dans les bois, sur les hauteurs de Saint-Dié, dans les Vosges. Il croit entendre des voix. On lui suggère de passer à l'acte et donc il médite des coups, comme il dit. Alors, il est très rusé. Il a une double personnalité, des bouffées délirantes, il entend des voix, etc. Il pense à passer à l'acte au sens de la psychiatrique du terme, et puis en même temps, il est capable de raison et de ruse même, parce qu'il met tout le monde dans sa poche, enfin voilà, il est très sympathique. Donc il a une personnalité complexe. On y reviendra à travers ce que vous écrivez, à travers vos lignes, parce que c'est un bel objet littéraire, ce livre, au-delà de ce que vous racontez. Il y a la façon dont vous le racontez et les mots que vous employez. D'ailleurs, je ne résiste pas à aller lire page 11. Vous dites « Ce meurtre-là, l'assassinat délibéré de René Bousquet par Christian Didier, était tout à fait spécial. Ni meurtre crapuleux, ni meurtre gratuit. Il était signé par un homme impuissant. Un suicide, donc. Un acte définitif. L'acte ultime. » Vous voulez expliquer ce que vous dites ? Oui, il y a quelque chose en effet de suicidaire, mais il y a aussi quelque chose d'une recherche de rédemption. Il veut extirper le mal, ça ce sont ses termes. Donc Bousquet, il entend, à cette époque, dans les années, toutes les années 80, on entend, pas encore Papon, mais Touvier, Barbie, Bousquet, on entend beaucoup de choses concernant la Shoah, concernant Vichy, ce sont des thèmes assez prégnants à cette époque-là, et lui est très poreux, il regarde la télé constamment. Il s'imprègne, il est imprégné de la télé, il est dans la télé, il vit avec la télé en la regardant tous les soirs avec sa mère, et un jour sa mère lui dit d'ailleurs, au journal télévisé on parle de Barbie, et sa mère lui dit, mais il n'y aura donc personne pour aller tuer cette ordure. Ah là il là entend là. Ça, aïe, aïe, aïe. Et voilà, c'est comme une voix tombée du ciel. C'est ça la voix finalement. C'est la mère, mais pas seulement. Il se promène en ville et il voit une publicité pour Nike, Just Do It. Et il pense que c'est pour lui, que c'est Dieu, que c'est le ciel qui s'adresse à lui pour lui dire de le faire. Et puis alors il y a aussi, je vous ai dit qu'il avait été maltraité par son père, il s'identifie aux Juifs. Alors qu'il n'est... D'abord, ils ne sont pas juifs dans la famille, il ne connaît pas de juifs. Il peut être judéophile, ce qu'on appelle judéophile. Oui, mais judéophile sans objet. Il ne sait pas qu'il y a une synagogue à 50 mètres de chez lui. Il ne sait rien. Donc c'est purement un fantasme. Il se prend pour un juif persécuté par les nazis. Donc c'est pour ça qu'il doit venger les juifs. D'ailleurs, bon, il est judéophile, mais ça mériterait aussi... ça fait partie de son cursus psychiatrique. Lorsqu'il a voyagé aux États-Unis, il croyait qu'être juif, c'était bien, c'était bon pour lui. Donc il disait shalom à tout le monde pour voir si on lui répondait... Vous voyez, il y a comme ça une identification un peu bizarre, un peu folle quand même. Et donc, il s'est mis en tête de venger les Juifs, alors que personne ne lui demandait rien. Henri Razimov, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer d'explorer la personnalité si complexe de ce Christian Didier. À tout à l'heure. For me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away. Henri Ratzimo, je rappelle que vous avez ce livre, L'homme qui toi, René Bousquet, c'est un grand voyage dans la personnalité si complexe de ce Christian Didier. Ça devait être assez passionnant d'ailleurs pour un avocat de le défendre, de défendre un cas comme ça, vu sa complexité. D'ailleurs, en 1995, ses avocats, lors du procès, ont plaidé ce qu'ils ont appelé le crime civique. D'ailleurs, dans la fiction, on entend Arnaud Montebourg, hein, son avocat à l'époque, dire « Faites de votre geste autre chose qu'un assassinat ordinaire. » En quoi tuer un collaborateur et criminel de guerre comme Bousquet peut-il être un acte dans les années 90 considéré comme un crime civique? Ça veut dire que peut-on tuer si la victime est un salaud? C'est ça que ça veut dire? Alors, je suppose que Maître Montebourg et Maître Thierry Lévy ne pensaient pas exactement cela. Mmh. Seulement, ils étaient, devant un dilemme. Soit on plaidait la folie, l'être dérangé qui entend des voix, qui passe à l'acte, pris par une sorte de délire, de fantasme, enfin, comme on sait qu'il en avait les prémices, enfin, je veux dire, il avait donc, encore une fois, séjourné en hôpital psychiatrique, il était bourré de neuroleptiques, d'anxiolytiques, etc. Soit plaider le crime civique, c'est-à-dire avec le sous-entendu. Alors, j'ai tenté d'enquêter sur cette question également. Le procès Bousquet était venu à échéance, plutôt l'enquête, l'instruction, était venu à échéance, le procès était tout à fait prêt. Il était prêt. Seulement, des rumeurs circulaient, venant de toutes sortes de milieux. Je pense par exemple à Edoui Plenel, le journaliste. Mmh. Je pense à Serge Klarsfeld, l'avocat, président des fils et filles de déportés juifs de France. Beaucoup de gens dans la mouvance de Mitterrand, mais prenant un peu leur distance, pensaient que Mitterrand, premièrement, ne souhaitait pas ce procès, mais ça, c'est avéré. On le sait, puisque lui-même l'a dit à de nombreuses reprises. Mais qu'en outre, il déléguait des gens, ou des ministres, nommément, pour stopper ou différer au maximum le procès Bousquet, qui était son ami de longue date. Et alors, il avait des arguments pour cela. Bousquet avait été jugé en 1949, et d'ailleurs... Et blanchi. Mitterrand s'appuyait sur ça. Et blanchi. Mmh. Seulement, il est vrai que l'opinion publique en 1949 et l'opinion publique en 1993 et 1995 a évolué. Et ça, c'est l'historien spécialiste de Vichy qui me l'a dit, à juste titre, Henri Rousseau, qui m'a dit que Mitterrand... ne faisait que suivre, au fond, l'avis de ses prédécesseurs Pompidou, Giscard et de Gaulle lui-même. Seulement, il n'a pas compris que dans les années 90, l'opinion publique avait tout à fait conscience des crimes spécifiques de Vichy à l'égard des Juifs. Et ça, Didier l'a très bien compris, et dont Montebourg et Thierry Lévy se sont engouffrés dans cette brèche, avec plus ou moins de bonheur, parce que Didier interrogé lors de son procès de 95, évidemment, plus il parle, plus on le laisse parler, plus se révèle sa folie. Alors, on va aller encore plus loin, à travers un extrait que je vais lire, et puis on va décoder, parce qu'il y a plein de choses dans ce paragraphe. Vous écrivez « Du paganisme antique au christianisme moderne, les choses ont bien changé ». Si Didier partage avec l'Éphésien Hérostrate le fantasme d'un nom à illustrer, il inscrit son dessein dans le cadre du bien et du mal. Il détruit, mais il détruit le mal. Il serait le héros, et le héros, écrit H-E-R-O-S et après H-E-R-A-U-T, du bien, Bousquet, et le mal. Le liquider est donc une action salutaire du point de vue de Dieu et du point de vue des hommes. Didier désirait la reconnaissance universelle, y compris, selon la phrase qu'on lit au fronton du Panthéon à Paris, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante. Alors, la comparaison est audacieuse, hein, telle que vous établissez. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Eh bien, c'est finalement assez simple, c'est-à-dire qu'il veut passer aux yeux de son père, qu'il a maltraité, qu'il a traité de mouton à cinq pattes, toute sa vie, toute son enfance. C'est lourd. C'est lourd. Il a vécu là-dedans. Il fallait une revanche et une action d'éclat qui le disculpe de ce qu'il appelle le mal en lui, c'est-à-dire, au fond, on peut le traduire par sa folie. S'il tue quelqu'un qui incarne le salaud, l'ordure, pour employer ces termes, qui incarne le mal absolu, eh bien, lui, forcément, il va ressortir grandi, blanchi, illustre. Parce qu'il y a ce côté, évidemment, de l'homme qui, dont la volonté suprême est de s'illustrer. Et donc ça, on en trouve en effet un certain nombre de cas dans l'histoire. Moi, j'étais frappé par la ressemblance avec le personnage de Musset, Lorenzaccio, qui vit dans l'ombre d'un tyran et qui n'a de cesse que de vouloir le tuer. Et alors, il passe du temps à ruminer, comme Didier le fera. Eh bien, il finit par tuer le tyran, et il s'attend à une reconnaissance universelle du peuple, parce qu'il a débarrassé la terre du mal et d'un tyran. Eh bien, le peuple se retourne contre lui et ne lui sait pas du tout gré d'avoir commis ça. Et c'est ce qui se passe pour Didier. Exactement le parallèle, absolument. Dernier passage que je voudrais lire, page 21. Je tentais de raccrocher, alors c'est vous qui écrivez bien sûr, je tentais de raccrocher Didier à d'anciens wagons, comme pour le désingulariser, me le rendre moins opaque, à des wagons de littérature, d'histoire ou de légende. J'avais tort sans doute. Il me faudrait au contraire rejoindre Didier dans son être. Et son être, à l'instar des héros des livres dont j'ai gradé les titres, était tout entier dans son acte. Il me faudrait parvenir à cette pureté essentielle, telle la visée et l'atteinte de la cible dans l'art du tir à l'arc, la pureté absolue inhérente à l'acte de tuer. Christian Didier, en tuant Bousquet, a cru se purifier et purifier le monde, mais il se trompait. 7 ans de prison l'ont définitivement sali à l'intérieur. Il a joué à pile ou face, en somme. Il a misé la roulette russe. C'est quoi cette dimension-là de la mise du jeu? Il a misé tout dans cet acte et ce fantasme de rédemption absolue et d'illustration dont nous parlions tout à l'heure. Et il a raté parce que l'idée selon laquelle il a fait échouer l'advenue de ce procès qui aurait été le premier procès réellement de Vichy, enfin, après ceux qui ont eu lieu juste après la guerre. Donc, il s'en est voulu. Il a compris qu'il avait échoué et qu'il est redevenu le mouton à cinq pattes dont son père l'affublait. C'est une histoire un peu lamentable, si vous voulez. Et moi, c'est cet aspect. Écrivain raté, justicier raté, homme qui n'arrive pas à prouver qu'il n'est pas fou, enfin bref, raté, il y a un quoi. Échec. Et moi, j'ai toujours été fasciné par la gloire de certains écrivains, par exemple, mais aussi par leur échec. Et vous comprenez qu'on puisse lui en vouloir, aujourd'hui encore. Nous, citoyens français, passionnés d'histoire, cet homme-là nous a empêchés d'avoir le procès. On a le droit aussi d'avoir cette position-là. Mais, tout à fait, hein, avec cette nuance que beaucoup d'enfants de déportés ou de gens qui sont passés par Drancy à cause de Bousquet, oui, lui ont été reconnaissants d'avoir commis ce geste. C'est leur conscience. Henri Raksimov, merci infiniment. L'homme qui tua René Bousquet. Chez Stock, c'est passionnant et c'est aussi troublant. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet. Une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Pascal Deux. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Almi Oro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Julien Dumont.